الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans la lecture du livre Fadlu Rabbil Bariya, dans l'explication de Duraru Al-Bahiyya de l'imam Shawkani. Donc nous sommes toujours dans le grand chapitre de Al-Janaza, le funérailles. Et aujourd'hui, nous allons voir le dernier sous-chapitre. Et après cela, nous allons rentrer dans le chapitre de la zakat. Ce dernier sous-chapitre, c'est Faslun Dafnul Mayyit. Faslun Dafnul Mayyit. Ou bien on peut dire aussi Bil Idafa Faslun Dafnil Mayyit. Voyez. Sous-chapitre, l'enterrement du mort. On a vu dans le sous-chapitre précédent comment il fallait transporter le mort jusqu'à la tombe. Et on a dit que la sunna, c'est de le porter. Et de marcher comment? Doucement. Ne pas marcher rapidement. Voyez. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment l'enterrer. Comment enterrer le mort et comment creuser la tombe. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi l'husna, par ses plus beaux noms, wa sifatihi l'ula, et par ses attributs les plus élevés, en yumitana la sunna, ou à l'islam, qui nous fasse mourir sur l'islam et la sunna, et qui nous accorde une bonne fin. Alors ce que nous sommes en train de voir ici, qui est la tombe, ala yakunu akhiru kulli muslim, c'est la fin de tout musulman, de tout le monde. C'est que ma'aluna fi awwali yani mautina, notre destination aux premiers instants de notre mort, c'est dans la tombe. Et la tombe, إما أن يكون روضة من رياض الجنة سواء لا توم سرا un jardin parmi les jardins du paradis كلا فاسكو نو توم سواء ainsi وإما أن يكون أو بيان سواء لا توم حفرة من حفر النار انترو parmi les trous de l'enfer. Na'ouz billah min dhalik. Na'ouz billah an yujannibana an-nar. Wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Donc ici, alors on doit tous, en lisant ces chapitres, méditer et se faire al-hisab kamaqil, comme il a été dit, tahasabu qoblan tuhasabu. Faites vos propres comptes avant qu'on ne le fasse à votre place. On est tous des pécheurs. On fait tous des péchés. Donc, on se doit d'une obligation de se repentir et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan à chaque moment. Wa nu'assi bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui kana yastaghfirullah, il demandait le pardon d'Allah aksar min mi'ata marra, plus de 100 fois. Dans d'autres versions, 70, d'autres versions, 100, d'autres versions, plus de 100 fois. Wa huwa rasulullah, alors que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est infaillible. Mais il a fait cela afin d'être awalan, reconnaissant pour le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, et aussi afin de nous montrer, nahnu du'afa masakin, nous les faibles, que on a plus besoin de cela que lui. Donc c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve sur la sunna et sur l'islam authentique. Et qu'Allah fasse que nous soyons dans le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Yawm al-Qiyamah. Et qu'on soit parmi ceux qui vont boire le bassin. Ceux qui vont aussi profiter de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, le fasl que nous allons voir ici, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit « Wa yajibu dafnu al-mayyiti fi hufratin tamna'uhu as-siba'. » Il dit « Il est obligatoire d'enterrer le mort dans un trou qui l'empêche les animaux sauvages. Les animaux qui sont féroces, c'est ce qu'on appelle As-Siba, Hayawan al-Muftarish. Donc, les Siba, c'est ceux qui mangent généralement la viande. Et lorsqu'ils voient un cadavre, ils vont vers ce cadavre-là. Parmi ceux-là, il y a certains oiseaux, du nom de vautours et d'autres, qui, lorsqu'ils voient Al-Jussa, un cadavre, alors ils vont manger ce cadavre-là. Donc, l'auteur du livre dit ici qu'il est obligatoire d'enterrer le mort dans un trou qui empêche que les animaux sauvages viennent manger ce corps-là. Donc ici, As-Siba, il y a al-Muftarisha. Ce sont les animaux sauvages. Al-Leti ta'kulu al-Jussas, qui mangent les cadavres. Jussas, c'est le pluriel de Jussatu. Jussatu. Voyez. Donc ici, وهذا الذي ذكره المؤلف. Et c'est ce que l'auteur du livre a mentionné, que l'imam Shawkani, le dit Cheikh Ali Ramli ici. وهو وجوب دفن الميت, qui est l'obligation d'enterrer le mort. Donc, amurun mujma'un ali, c'est quelque chose, il y a consensus. C'est-à-dire, l'ama, bela yeni penaka, koshu kan kabla, wodola, kadatu. On ne veut pas que les animaux sauvages viennent manger la chair. Waza halatul muslim. وحالة الكافر et la situation de tout le monde est quoi. Il arrivera un moment où on sera couché et si on ne nous enterre pas, c'est les animaux qui vont venir manger notre corps. Allahu Akbar. Hada l'insan ladhi yatakabbar fi l'ard. Qui sent d'orgueil et qui dit que Allah n'existe pas. Qui me croit même d'avoir la ni'ma d'Allah. Hada halu. Voici sa situation. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Donc ici, la khilafa fihi al-batta. Ici, lorsque les savants ajoutent al-batta sur le mot la khilaf, parce qu'ils peuvent dire la khilaf en s'arrêtant. On comprend la khilafa mu'tabar. Mu'tabar. Il n'y a pas de khilaf considéré. Certains peuvent diverger, mais ce sont des paroles qu'on considère comme qawlu shaz. Une parole très isolée. Voyez. Mais lorsqu'on dit la khilaf fi al-badda, ça veut dire qu'il n'y a même pas de divergence. Voyez. Bayna al-ulama, entre les savants, sur le fait d'enterrer le mort. Ça va? Il y a d'autres coutumes. Ils brûlent le corps. Ça va? Ils brûlent le corps. Et ensuite, ils gardent ça, la cendre. Ils mettent dans quelque chose et puis ils gardent. Non, en islam, adala yajuz. Il y a d'autres aussi, ils disent que le corps n'est pas lui-même. Le corps, c'est quelque chose que l'âme a emprunté pour vivre à l'intérieur. Ensuite, lorsque l'âme a eu besoin de sortir, alors l'âme est sortie et allée dans un autre corps ou bien allée quelque part. Maintenant, ce corps-là est resté vide. Alors, si ce corps, on l'enterre, c'est comme en réalité du gaspillage. Donc, il préfère le dépecer et puis manger le corps. Il y a un groupe de Chinois qui font cela. Et d'autres coutumes en Inde. Yafaluna hada. Donc, chez nous en islam, le corps, nous enterrons. Et il n'est pas permis pour nous de manger la chair humaine. Mais certains mangent la chair humaine. Ça va? Lorsqu'ils meurent, ils profitent du corps autrement, dans la nourriture. Alors, il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur le fait d'enterrer le corps. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Idfanu al-ithnayni wa salasa fil qabri » Enterrer deux et trois dans la tombe. Cette parole « Aslan »« Qala hada fil Uhud » Dans la bataille de Uhud. Lorsque les musulmans sont morts, alors vous savez que les shuhada et kotaswa. Vous savez que les shuhada, on ne les lave pas, on ne les ensevelit pas. On a déjà vu cela, donc on les enterre comme ça. Ala halihim. Donc, dans la bataille de Uhud, ceux qui sont morts, ils étaient tellement nombreux. Le professeur Azam demanda ce qu'on les enterre 2, 2, 3, 3. Ensuite, les compagnons posaient la question. Man nuqaddim, qui on devance dans la tombe? Il disait, Asannuhum wa akra'uhum. Akra'uhum, summa asannuhum. Voyez. Allah nous préserve. Alors ici, c'est une preuve qui montre qu'on doit enterrer le corps. Waja aidon anhu, c'est venu aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, anahu qal, qu'il a dit, ihfaru, creusez, wa a'maku, et allez-y en profondeur, wa ahsanu, et élargissez la tombe pour que ça suffise aux morts. Ici, at-ta'miq veut dire ayakun al-qabr amiqan. Ça doit être en profondeur un peu. Liyakuna ba'idan, pour que ça soit loin, an mutanawil as-siba. De, c'est-à-dire mutanawil ici, à la portée des siba, des animaux sauvages. Parce que si la tombe n'est pas profond, ils viennent avec les ongles, ils essaient d'enlever le sable pour pouvoir manger le corps. Surtout lorsque ce n'est pas trop en profondeur, l'odeur dégage. Et ils commencent à sentir l'odeur. Surtout les loups avec certains animaux qui ont l'odorat. On appelle ça l'odorat, non? La sensation. Ils sentent vite les choses. Donc ils s'approchent, ils commencent à bouger, ils font sortir un trou, et lorsqu'ils voient le corps, alors ils s'appellent entre eux et ils commencent à manger le corps. Donc voilà pourquoi la tombe doit être un peu profonde. Pas profonde comme le puits, mais un peu profond. Voyez, Al-Ihsan et le Ihsan qui vient dans le hadith ici, à la source de la Sainte, wa ahsinu. L'ihsan, c'est huwa ay yakun al-qabr wasi'a. La tombe doit être large. Ala qadri al-mayyit. Selon la largeur et la longueur de celui qui est décédé. Tayyib. Bi haythu yasa'uhu, pour que il puisse rentrer dans la tombe. Tayyib. Naam. Donc ici, on a parlé sur l'obligation de l'enterrement. Ensuite, l'auteur du livre dit wala ba'sa bid-darhi wal-lahdu awla. Il dit il n'y a pas de problème bid-darhi wal-lahdu awla, mais le lahdu est meilleur. Ad-darhu, c'est une manière de creuser la tombe. Là, on parle maintenant, on est sur la masala de comment creuser et comment la tombe doit être. Il y a deux sifas. Il y a ce qu'on appelle ad-darhu. Il y a ce qu'on appelle al-lahnu. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Le dar, c'est de creuser le trou jusqu'à arriver là où c'est la profondeur. Tu fais un petit trou au milieu afin de mettre le mort là-bas, ensuite coucher des briques. C'est ce qu'on appelle ad-darhu. Voyez. Ensuite, al-lahdu, c'est le fait de creuser la tombe, pareil comme l'autre. Mais ici, tu fais un lahd, c'est comme tu fais sortir un salon à l'intérieur. C'est-à-dire, le minjiatil kibla, du côté de la kibla, lorsque tu creuses la tombe, tu vas sur le côté de la kibla. Voyez. Ensuite, tu mets un trou dedans. Voyez. Tu creuses un trou. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens font un trou à côté. Et ils disent que c'est ce qui est le lahd. Hada laysa bil lahd. C'est pas lahd. C'est-à-dire, ils font la tombe à l'extrémité, ils font maintenant un trou. Mais ils ne font pas rentrer le trou. Est-ce que vous comprenez? Ils ne font pas rentrer le trou à l'intérieur. Ça, ce n'est pas le lard. Le lard, la Bouddha, que ça rentre. Maintenant, lorsque ça rentre, on fait rentrer le corps et on arrête des briques pour pouvoir fermer. Maintenant, vous allez voir que le mort, il est carrément de l'autre côté. Maintenant, la tombe, là, on verse maintenant le sable dans la tombe. Mais on ne verse pas le sable directement sur lui. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on appelle le lahd. Mais on fait cela minjiati al-qibla. Et ensuite, on couche le mort, c'est-à-dire on fait rentrer le mort sur son côté droit, en faisant face à la qibla. C'est ce qu'on appelle le lahd. Mais on va mieux expliquer le cheikh qui l'a expliqué ici. Le cheikh dit fa'amma ad-darhu. Ici, d'abord, il dit « Al-Qabru Qabran ». Il dit « La tombe, on le creuse de deux manières. » On la creuse de deux manières. « Qabru Dorh » ou « Qabru Lahad ». Et on a vu cela. « Fa'amma Dorh »« Fa'huwa Shaqu Fil Ard » C'est « Ashaq » C'est-à-dire, on creuse dans le sol. « Wa ghalib Kuburi Al-Yaw Min Ashaq » Ça va? Comme la généralité des tombes aujourd'hui, du chak qu'ils font à l'intérieur. Fayaftahu al-qabr bi shakin mustaqim, il ouvre la tombe de façon droite, wayantahi al-amr, et c'est fini. C'est-à-dire que lorsqu'il creuse la tombe, arrivé à la limite, là où il s'arrête, au milieu de la tombe, il fait un petit trou qui est à la taille, un peu plus que la taille de celui qui est mort, un peu plus que sa largeur lorsqu'il est sur le côté. Ensuite, maintenant, il le place à l'intérieur pour faire face à la Qibla. Et ensuite, là, il n'arrête pas les briques, mais il couche les briques maintenant sur lui. Voyez, et s'il a des feuilles d'arbre, il amène ces feuilles d'arbre là pour couvrir, et ensuite, on verse du sable sur lui. Intah al-mawdou. La ilaha illallah. Nasallallah. Al-afiyah wa salam. Donc, il dit, wa amma al-lahdu. Quant au lahd, wa huwa al-shaqu. C'est le trou fi janib al-qabr. Sur le côté. Vous comprenez maintenant? C'est le trou sur le côté. On creuse sur le côté. Yani, an yuhfar al-qabr. On creuse d'abord le trou. Watanzulu fihi masafa. Il descend à une distance. C'est-à-dire, creuse, il descend à une distance. Summa min jihad al-qibla. Ensuite, du côté de la qibla. C'est-à-dire, voici, si vous voulez creuser par exemple une tombe, comment vous allez le faire? Vous creusez la tombe comme ça. Voilà la qibla ici. Maintenant, lorsque vous êtes arrêté dans la tombe, la qibla, il est ici. C'est ici que vous devez percer maintenant le lahd. Est-ce que vous avez compris? C'est de cette manière. Voyez. Donc, lorsqu'il est fi akhirihi à la fin, min jihad al-qibla fi akhirihi, tuhfar ila jihad al-qibla. On met le trou du côté de la qibla. Fa hadha yusamma lahdan. C'est ce qu'on appelle lahdan. Qawluhu. Sa parole. La ba'sa bi dorhi. Aïe, anna ou jaïs. Le dorh est permis. Et on a dit le dorh, c'est quoi? Qui peut me rappeler? Non. Creuser un trou au milieu de la tombe. Ça va? La tombe est déjà creusée. Mais on creuse encore un trou. Ça va? Rectangle. Très rectangle, c'est-à-dire. Comme le mort. Ça va? Et puis, on met le mort à l'intérieur pour faire face à la qibla. Voyez? Non. Donc, ici, il n'y a pas de problème pour le dor. Mais il dit, Wallahdu Aula. Mais c'est le lahd qui est meilleur. Aïe, Wal Mustahabu Wal Afdal. C'est préférable et c'est meilleur. لأنه أقرب لإكرام الميت. car c'est plus proche des Kram, c'est-à-dire anoblir le mort et le respecter. Voyez? Parce que lorsqu'on fait de cette manière, on ne verse pas directement le sable sur lui. Vous comprenez? Naam. Mais avant de continuer ici, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, dans l'explication de ce bab, il a dit une parole qui est Jamil. Il a dit, les Aoula, en ce qui concerne le Lahd ou le Dor, c'est Bihasabi Al-Ard. Il dit c'est selon la terre même. Ça va? Il y a des terres qui sont très faibles. Rekhou, jiddan. Si tu veux faire le lahd, ça ne dure pas, tu verras que ça va descendre. Voyez? Dans ce moment, qu'est-ce qui est meilleur? C'est le dor. C'est bihasabil ard. Maintenant, si la terre est dure, ça va? C'est une terre vraiment qui est dure. Vous savez, souvent, dans les déserts ou bien dans d'autres coins, pour creuser même la tombe, pour arriver en bas, c'est tout un problème. Donc, ça montre que la terre, elle est vraiment dure. Donc, en ce moment, on fait le lahd, et puis on le met maintenant à l'intérieur, et puis on ferme avec les briques. Voyez? نسأل الله العافية والسلام وجاء في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص c'est venu dans l'authentique d'après سعد بن أبي وقاص ici dans l'authentique il s'agit de l'authentique de l'imam مسلم أنه قال في مرضه الذي هلك فيه il a dit dans pendant sa maladie dans laquelle il est décédé ici هلك ça veut dire décédé. Parce que les Arabes souvent utilisent le mot halaka pour dire décès. Ça ne veut pas forcément dire périr. Ou bien ça ne veut pas forcément dire qu'il est anéanti. Voyez? Alors, il a rapporté ce hadith. Il a dit, il hadou, faites-le lahdan. C'est-à-dire, faites pour moi, si je décède, le lahd. Tayyib. Wansibu alayya al-labina. Et mettez sur moi, c'est-à-dire sur le côté du lahd, des briques. Nasban. Et étalez cela. Kama suni abi rasulillah. Comme cela a été fait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأنا أقول لكم ذلك لي أيضا وهذا أفضل طيب كرنا نزاكود إن بونف فاللحد أولى وأفضل اللحد أمير لأنه الذي فعله الصحابة Car c'est ce que les compagnons ont fait, les Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahafaru lahu lahdan. Ils ont creusé le lahd, c'est-à-dire ils ont creusé la tombe et ils ont fait un trou du côté de la Qibla. Ils ont mis à Rasul sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur. Tayyib. Naam. وَنَسَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا Et ils ont étalé ensuite du labin pour fermer, des briques. Al-labina, c'est briques. وَهُوَ أَكْمَلُ السُّوَرْ وَأَجْوَدُهَا C'est le plus complet des manières et ce qui est le plus bon. فَيُنْفَرُ الْقَبْرَ أَوَلًا Le chef va expliquer. On creuse d'abord la tombe. فَيُنْفَرُ Awala shakkan, c'est-à-dire on creuse un trou pour faire la tombe d'abord. Kalkubur leti naraha liyom, comme les tombes que nous voyons aujourd'hui. Summa na'ti, ensuite on va maintenant ila jidari al-qabr, vers le mur maintenant de la tombe. Al-ladhi min jihati al-qibla. Le mur de la tombe qui est vers la Qibla. Fanatruku min hafati al-qabri masafatan. On laisse maintenant min hafa. Hafa, c'est le côté extrême, c'est-à-dire l'extrémité de la tombe. On laisse maintenant masafa, c'est-à-dire une distance. Voyez. Et cette distance, min hadha al-judan ila al-asfal. Vous comprenez? C'est-à-dire, si la tombe est en haut, c'est-à-dire la limite de la tombe, le haut, c'est ici, jusqu'en bas, c'est ici. Tu laisses tout cette masafa jusqu'à il a l'asphal, jusqu'en bas. Ensuite, mets du côté de la Qibla. Toyeb. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Summa nahfur fil jidari. Ensuite, on creuse dans le mur, c'est-à-dire en bas, shaqqan wasi'an. Un trou qui est large. Yakfi al-mayyit, qui suffit aux morts. Il a dit Qibla, vers la Qibla. Fayoudaw al-mayyit fihi. On met le mort là-bas, ala shaqqihi al-ayman, sur son côté droit. Voyez. Summa yansibu al-labina. Ensuite, on place maintenant, nasaba s'est placé, on place maintenant les briques, fayakunu ma'ilan, les briques doivent être dressées. Wa yughliqali, et ferme le lahn. Summa ba'da zalika yuhalu turabu alayhi. Ensuite, maintenant, on verse du sable dessus. Wa ja'a aidan, c'est venu aussi fi hadith al-Bara'a. Dans le hadith de Bara'a, Inda Muslim, chez l'imam Muslim, rahimahullah, afwan, Inda Abi Daoud, qui dit, kharajna ma rasulillah, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi janazati rajulim min al-ansar, dans l'enterrement d'un homme parmi les ansar. Fantahayna ila al-qabr, et nous sommes arrivés à la tombe, walam yul hadubad, et ils n'ont pas encore fait le lahd. Donc, ce hadith, le cheikh dit fahada yadullu, cela montre ala anna al-qubur allati kanat tuf'alu fi ahd an-nabi sasa min naw'i al-lahd. Cette tombe-là était d'un type, c'est-à-dire de différents types, ou bien des types de lahd. Voyez. C'est-à-dire, cela montre que les tombes qu'on faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on finissait de faire, on faisait yani le choc à l'intérieur. Mais c'était un type de lahn, mais ce n'est pas le lahn lui-même. Et c'est ce qu'on appelle ad-darh. Donc, cela montre quoi? Fahaza ja'izun wa hadha ja'iz. Que ceci est permis et l'autre est permis. Lakin al-afdal wa al-awla, mais ce qui est mieux et plus prompt, an yakuna lahdan, que ce soit lahd. Et c'est ce que je vous ai dit ici, ala hasabi quwwati al-ard. Tayyib. Wa kadha al-hadith al-mutaqaddim, c'est même le hadith qui a précédé, qui est le hadith de Sa'd. Yubayyinu lana anna an-nasb al-labn, nous montre que le fait de placer des briques mashrouan, c'est légiféré. Wa huwa alladhi fu'ila bin nabi, et c'est ce qui a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa naqala an-nawawi, l'imam Nawawi a rapporté ici al-ijma', le consensus, c'est-à-dire ijma' al-ulama, le consensus des savants, ala jawaz al-lahdi wa ash-shaqqi, sur l'autorisation du lahad, qui est l'intérieur, et le shaq, c'est qu'on met au milieu. Voyez. Alors ici, فهذا جائز وهذا جائز. Si c'est permis et l'autre est permis. ولكن المسألة مسألة أفضل وأولى فقط. Mais la masala ici c'est le sujet de afdol, ce qui est meilleur seulement. Sinon tous les deux sont permis. Non. Non. Non. Dedans. نعم ما فهمت السؤال نعم نعم نعم بالله نعم ماذا؟ الدور كان موجودا. الدور هذا الذي كانوا يسمونه الشق. الشق. نعم. هذا هو السؤال. بارك الله فيك. Donc les deux, c'est vrai que ça vient d'un hadith. Et à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, on faisait le lahan. Mais dans certains hadiths, ça vient aussi que le dor aussi se faisait. Et c'est ce dor-là qui était nommé le shaq. C'est-à-dire lorsqu'on creuse la tombe, on fait un trou au milieu. Voyez, c'est ce qu'est le shaq. Et c'est ce qu'on appelle le dar. Voyez. Mais le lahd, c'est ce qui se fait à l'extrémité. C'est-à-dire dans les dents. Voyez. Nassallallahu alayhi wa sallam. Non. Qual al-mu'allif, rahimahullah. L'auteur du livre, il dit. ويدخل الميت من مؤخر القبر ويدخل الميت من مؤخر القبر c'est ça من مؤخر القبر on fait rentrer le mort maintenant lorsqu'on finit de creuser la tombe on le fait rentrer comment on le fait rentrer من رجلي القبر طيب من رجل القبر c'est-à-dire lorsque on veut l'enterrer celui qui doit faire descendre le corps dans la tombe il doit être à l'intérieur de la tombe mais on fait venir la tête du mort là où de la partie où on doit mettre ses pieds est-ce que vous comprenez Hein? Il faut mieux expliquer pour qu'on puisse comprendre. D'abord, celui qui fait descendre le corps à l'intérieur de la tombe, lui doit être dans la tombe. Il doit être arrêté dans la tombe. Maintenant, si on envoie le corps, où est-ce qu'on met son pied? Où est-ce qu'on doit mettre son pied si on doit le coucher dans la tombe? Hein? C'est de ce côté. C'est comme ça qu'on envoie le mort. Mais on l'envoie par sa tête pour le faire entrer. De cette manière. Est-ce que vous avez compris? Vous voulez un essai? Hein? C'est compris? Non. Non, le corps, il vient comme ça, par la tête. C'est compris? Non. Bon, je prends cela comme la tombe. Vous avez compris? Et ce baf-là, je considère ça comme la tombe. Et le mort, si on le fait rentrer, si on le couche sur le côté droit, sa tête doit être de ce côté, son pied doit être de ce côté. Donc si on vient pour le faire rentrer, on vient le corps comme ça, on le fait rentrer à partir d'ici. Mais par sa tête. C'est compris? C'est-à-dire que si on vient, lui, celui qui est dans la tombe doit l'attraper et puis à partir de la tête et venir maintenant comme ça avec lui pour venir le coucher directement dans la tombe. C'est compris? طيب يريد بذلك أنك عندما تدخل الميت القبر il veut par cela que lorsqu'on fait rentrer le mort dans la tombe تأتي من عند رجلي القبر c'est-à-dire on vient du côté pourquoi ici c'est nommé رجلي القبر c'est là où ses deux pieds sont dans la tombe طيب donc on vient de ce côté-là où تدخله et l'on fait rentrer maintenant à partir de ce côté طيب والحديث الذي ورد في هذه الصفة le hadith qui a été rapporté dans cette manière de faire اختلف في صحته les savants divergent sur l'authenticité du hadith ولكن والراجح أنه صحيح ce qui est راجح prépondérant c'est que le hadith est authentique طيب donc ici فمن hein فمن السنة Donc, fait partie de la sunna, idkhal al-mayyit min rijl al-qabr. De faire entrer à partir de là où il doit mettre son pied. Ça va? On doit mettre le pied du mort. Wa huwa manqulun, et ça a été rapporté an Anas ibn Malik aidon. De Anas ibn Malik. Wa qad ikhtalafa a'immat al-fuqaha. Les savants de la jurisprudence ont divergé fi hadhihi al-mas'ala. Dans ce sujet. فقال البعض certains ont dit الأفضل ce qui est meilleur أن يدخل من رجل القبر qu'on le fasse rentrer à partir de là où on met ses pieds. طيب mais d'autres ont dit وقال الآخر الأمر واسع c'est-à-dire on peut le faire rentrer là où on veut. Ça va? نعم قال المؤلف رحمه الله j'espère que vous avez compris cette partie comment faire rentrer le mort dans la tombe alors on le fait pas rentrer directement comme ça mais on vient du côté là où on doit mettre ses pieds ça veut dire qu'on fait on le fait rentrer à partir de sa tête jusqu'à ce que ses pieds viennent se mettre là où ses pieds doivent se mettre est-ce que vous avez compris non ensuite قال رحمه الله l'auteur du livre il dit ويوضع على جنبه الايمن مستقبلا طيب c'est-à-dire يوضع الميت في قبره على جنبه الايمن مستقبلا القبلة on le met sur son côté droit en faisant face à la qibla طيب إلى ناحية القبلة، du côté de la Qibla. Et le cheikh dit ولم أجد في هذا دليلا. Sur le côté droit. Mais pas جهة القبلة. جهة القبلة, nous avons déjà vu la preuve qui a précédé. Voyez. Mais le coucher sur son côté droit. Il n'y a pas eu de preuve. لا في الكتاب ولا في السنة. ولكن الأدلة mais les arguments عندنا ثلاثة c'est trois arguments trois types d'arguments طيب le premier type ici d'abord les trois types d'arguments c'est الكتاب والسنة والإجماع c'est le Coran la سنة et le consensus وقد نقل العلماء الاتفاق في هذه المسألة. Les savants ont rapporté l'ittifaq. Regardez en bas, l'imam Nawawi dit واتفقوا على أنه يستحب. Ils sont unanimes que c'est préférable. أن يضجع على جنبه الأيمن. C'est-à-dire qu'on le couche sur son côté droit. فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة. Mais si on l'a mis sur son côté gauche pour faire face à la Qibla, alors il dit ici, Jaïs, c'est permis. وَكَيْنَ خِلَافُ الْأَفْضُلْ Mais c'est le contraire qui est meilleur. نعم. لِمَا سَبَقَ فِيلْ الْمُصَلِّ مُتَّجِعًا الله أعلم. Donc ici, أَمَّا إِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَ فَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورُ Quant à la direction de la Qibla, c'est la parole de la majorité des savants. Wa hadith, et le hadith c'est quoi? Istihlalul bayt al-haram. Istihlalul bayt al-haram. Qiblatukum ahya'an wa amwatan. Dans le hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit votre Qibla, que vous soyez vivant ou vous soyez mort. On est vivant, notre Qibla c'est où? Notre Qibla c'est où? C'est la Kaaba, n'est-ce pas? Toyib, si nous mourons aussi, notre Qibla c'est où? La Kaaba. Donc c'est le hadith qui prouve que la direction vers la Qibla. Maintenant, le coucher sur le côté gauche, faire direction à la Qibla, forme l'amr. Le amr, il est très simple. Si on veut, on met sa tête ici, ou on met sa tête de l'autre côté. À la couleur, il sera dirigé vers la Qibla. Ça va? Si sa tête est ici, ça veut dire qu'il sera sur le côté gauche. Si sa tête est ici, ça veut dire qu'il sera sur le côté droite. Lakin, il n'y a pas de dalil sohi qui montre, alors ici, l'obligation de le coucher sur le côté droite. Donc, l'ittifaq hujjatun fi hadha al-bab. L'ittifaq est un argument. Wa waqaf inshallah. Et c'est ce qui suffit. Voilà ce que le Cheikh Ali Ramli a dit ici. C'est l'ittifaq qu'on regarde. L'ittifaq, c'est quoi? Annahu yustahab, que c'est préférable de le mettre sur le côté droite. Mais s'il arrive que des gens l'ont mis sur le côté gauche, est-ce qu'on va demander à ce qu'on déterre le corps à cause de cela? Hein? Non. Nasrullah alafi wa salam. Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre dit qu'Allah lui fasse miséricorde. On va maintenant vers une autre masala. Il dit wa yustahabbu hasu turabi min kulli man hadara thalath hasayat. Il dit c'est préférable de verser du sable pour tous ceux qui sont été présents trois fois. Ça va? Ça dit prendre le sable et verser trois fois sur le corps ou bien dans la tombe. Ikhtalafa al-ulama. Les savants se sont divergés au sujet de cette masala. Falbadu qol, c'était on dit, adi sunnatun mustahabba. C'est une sunna préférable. Wastadalla bi hadith Abi Hurayra. Et argumenté avec le hadith d'Abi Hurayra qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salla la janazatin. Il a prié sur une janaza. Thumma ata qabr al-mayyit. Ensuite, il allait vers la tombe du mort, fahasa alayhi min qibali ra'sihi salasa. Il a versé le sable trois fois vers sa tête. Voyez, le hadith est rapporté par Ibn Majah. Mais écoutez, lakin, mais, هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي. أبو حاتم a fait sortir un problème, un sérieux problème dans ce hadith. Et il a dit أعله بالإرسال. Il dit ce hadith مرسال. مرسال, c'est l'hadith qui se limite à un tabi'i qui prétend avoir entendu directement le prophète Rasul. Voyez, ou qui dit avoir entendu. Lorsqu'il y a une inqita entre les tabi'i, yani le tabi'i et le prophète Rasul, et qu'il dit qu'il a pris, mais n'a pas dit d'un compagnon, mais il dit avoir pris directement avec le prophète Rasul, alors le hadith est mursal. Voyez. Mais le hadith qui se limite au compagnon, on appelle cela hadith al-mawquf. Al-mawquf. Mais le hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle cela hadith marfou. Voyez. Donc ce sont les terminologies de la science du hadith. On voit pourquoi toutes les sciences ont les terminologies. Dans la langue arabe, dans l'ugha, dans le nahu, quand il dit marfou, Ça veut dire quoi? Dhamma. Hein? Mais dans la science des hadiths, quand on dit hadith marfou, hein? Ça veut dire que les hadiths remontent. Mais si tu dis dans la science de la langue arabe, nahou, hadith ou marfou, c'est-à-dire dhamma sur le mot hadith. Hein? Cela nous accorde la compréhension. Donc voilà pourquoi celui qui apprend la langue arabe et puis dit je peux traduire. Akhi, la bouddha laka anta ta'allam awalan. Ce sont les Arabes que le professeur Hassan les a expliqué le Coran. Alors nous accorde la compréhension. Donc, wa qala fi mawdin akhar min al-ilal. Abu Hatim a dit dans un autre endroit, dans Kutub al-ilal. Hada hadithun batil. Il dit c'est un hadith qui est batil, caduc. Walau illatun ukhra. Le hadith a d'autres problèmes. Aïdon. Bayyanaha ad-Daraqutni. Dont l'imam Daraqutni a clarifié, rahimahullah, fi kitabihi al-ilal. Dans son livre, al-ilal. Donc, وروى حديث آخر من حديث عامر بن ربيعة إلى أن نطر حديث كي ترابط دي حديث عامر بن ربيعة كي دي كي لبقوفي صلى الله عليه وسلم جثى حسى على قبر عثمان بن مضعون ثلاثا كي لا فرسي ترافوا دي سابل سي لاتوم دي عثمان بن مضعون. Et mais le hadith, le isnad de ce hadith est daïf. Le isnad est daïf. Donc, khulasa, résumé, fala yasihu fi hadha al-bab shay. Rien n'est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce chapitre. Allahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Walakin sahha, mais c'est venu de façon authentique. عن علي بن أبي طالب وقال الزهري دي علي بن أبي طالب c'est-à-dire l'action de Ali mais il n'a pas remonté cela jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc وقال الزهري زهري دي كان المهاجرون يحثون المهاجرون il versait فلا بأس بفعله. Donc il n'y a pas de problème à le faire. وينوي بذلك المشاركة qu'il prenne l'intention de s'associer fi ajri dafnil mayyit dans le mérite de l'enterrement. Parce que l'enterrement, ce n'est pas tout le monde. Voyez. Donc ici, certains salafs ont fait. Ils viennent, même si les gens ont déjà versé du sable, ils viennent, ils prennent trois, ils versent, et ils prennent l'intention de s'associer dans le mérite d'avoir enterrer le mort. Donc l'imam Daraqutni, il dit que Falaba Sabizali, que les Muhajirun faisaient. Alors la dernière masala, ou l'avant-dernière masala que nous allons voir avant de nous arrêter ici, c'est Wala Yurfaul Qabr Ziyadatun ala Shibr. On n'élève pas la tombe. Ziyada, à ce qui s'ajoute sur le Shibr. Shibr, c'est quoi? On appelle ça comment? Un empan. Voyez? On appelle cela un empan. C'est compris? Non. C'est-à-dire, ça ne doit pas dépasser un empan. Le hadith Ali, inda muslim. À cause du hadith d'Ali qui est venu chez l'imam muslim, قال Ali de Abil Hijan al-Asadi. Ali, il a dit Abil Hijan al-Asadi lorsqu'il l'a envoyé. Ala ab'asuka, ala ma ba'asani alayhi rasulillah. Il ne veux-tu pas que je t'envoie faire quelque chose? T'envoyer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé le faire. قال بلا. Il dit si. قال الا تدع تمثالا الا تمسته الله اكبر. Thomas, ça c'est effacer, enlever. Hein? Rendre cela plat. Ne laisse pas une représentation. C'est-à-dire, il envoie vers des koufars pour aller les convaincre, faire le djihad. Mais ne laisse pas. Timsal, une représentation. C'est-à-dire, représentation ici, c'est quoi? Les tamasil. Hein? Comme Ibrahim dit, Mazi, tamasil, antum laha, akifun. Ici, ces tamasil-là, ce sont comme des. On appelle ça comment? Des statues. Voilà, des statues. Donc, lorsque tu les vois, il faut les faire tomber, il faut les enlever carrément. C'est ce qui est ton master. Dans une riwaya, wala suratan illa tamasta. Ni image sans que tu ne l'enlèves. Wala qabran mushrifan. Une tombe mushrif. C'est une tombe qui a pris l'année dont construction dessus. Illa sawaita. Sans que tu ne rendes cela égal jusqu'en bas. Allah Akbar. Le hadith, le rakma ici, rawahu Muslim, wa shahid qawluhu, wa la qabran mushrifan illa sawaita, ay, la tajidu qabran murtafi'an. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas une tombe élevée en l'ard, illa ja'alta mustawiyan bil ard. Sans que tu ne le mettes égal à la terre. Égal à la terre. Voyez. Voilà qu'il y a fait le hadith sahih, mais c'est venu dans un hadith authentique. Ala jawazi raf'il qabri anil ard. De lever la tombe de la terre, c'est-à-dire de ne pas rendre plat comme la terre. Ça va? Cadre chibre, mais c'est cadre chibre, comme le chibre, lampant. Ça va? Wa anna kubura sahaba. Et que le hadith aussi montre que les tombes des compagnons, kana musannamatan. Musannamatan. Yani, annaha masnu'atun kassinami. Ils sont comme les bosses. Les tombes étaient comme un peu comme les bosses des chameaux. Voyez. Fanakulu nam. Nous disons oui. Lakinnaha la turfa. Mais on ne lève pas min shib aksar min shibrin wahid. Plus que un seul chibre en pan. On ne lève pas plus que cela. Wa hadha wal mashru'u fil qubur. C'est ce qui est légiféré au sujet des tombes. C'est-à-dire, lorsque vous mettez le sable sur le mort, le sable qui est au-dessus maintenant de la tombe ne doit pas dépasser l'empan. Les gens aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce n'est plus même, ils pensent même pas que un jour, ils vont prendre cette place-là. Aujourd'hui, même, c'est pire même. Aujourd'hui, les tombes sont allouées. Les tombes sont allouées. Et moi, je demande ainsi qu'à vous, pour moi ainsi que pour vous tous, qu'on soit, qu'Allah fasse qu'on soit mort dans un pays musulman. Un pays où on respecte ses principes. Car c'est vraiment quelque chose qui est déplorable. Ils t'enterrent pendant un temps. Si le délai arrive, ceux qui t'ont enterré doivent renouveler le contrat. S'ils ne renouvellent pas le contrat, ils vont enlever les os et ils donnent la tombe à quelqu'un d'autre. Et puis ils vont jeter les os quelque part. Ou même, ils vont rassembler les os et ils vont brûler. Dans la poubelle, dans d'autres choses. Dans les ordures. Nassallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous accorde une bonne fin. Donc, ce que tu dis, c'est une réalité. Dans d'autres coins, on ne vous permet même pas de creuser la tombe à 1 mètre. Là, 1 mètre, c'est trop. Et vous dites peut-être 50 cm. 50 cm. Et comment tu fais le lac? Comment tu fais le choc? Donc, c'est compliqué. Ensuite, quand tu mets le sable, si on n'augmente pas le sable, alors en ce moment, quand la pluie va tomber, ça va découvrir le corps. Allah nous préserve. Allah Kulli Hal, ici c'est un ordre. Donc, nous mettons cela en exécution selon nos capacités. Enfin, Masemina, Allah dit Fattakullah Hamas. Craignez Allah selon vos capacités. Assalamu alaikum wa sallam. Amma ma nara hu al-yawm. Quant à ce qu'on voit aujourd'hui, min bina'in, alin, comme des constructions élevées, kal-ghuraf, comme des chambres, sur les tombes, ou bien, antazra al-ashjar, il plante des arbres, wazuhur, des fleurs, voyakun ul qabr kal hadiqa, et la tombe devient comme un jardin. Falaysa amran mashru'an al-batta. C'est pas quelque chose de légiféré. Ça fait pas partie de l'islam. Walam ya'muruna bih. Et le prophète Razam nous a pas ordonné cela. Bal naha anil bina alayhi. Au contraire, il nous a interdit de construire sur la tombe. Mais aujourd'hui, les musulmans même sont suivent les mécréants dans cela. Tu trouves un enfant musulman, non? Oui. Moi, quand je suis arrivé là-bas, c'est au cimetière de William Civil, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai vue, c'est la mosquée. J'ai dit, mais il y a une mosquée dans Makbar, ici. Je suis rentré, j'avance, je vais voir, ce n'est pas en réalité une mosquée, mais c'est un semblant de mosquée, mais apparemment c'est une parcelle familiale ou quelque chose comme ça, ou s'ils ont quelqu'un qui est décédé, ils vont mettre dans cet endroit-là. C'est comme le kebab, le grand kebab que les gens font, Kouba. Les mausolées là, les grands mausolées, ils font cela. Et ce sont des musulmans qui ont fait, ce n'est pas des koufars. C'est des musulmans qui ont construit une mosquée dans Makbar. Auzubillah. Ça va le profiter en quoi? Tu vois, c'est un musulman, ils agissent maintenant comme des koufars. Lorsqu'ils vont dans les Makbar, ils vont avec fleurs. Pour aller déposer. Ils mettent des fleurs. Les musulmans, ils mettent des fleurs sur les tombes. Mais Akbar min Zalik, moi je suis allé une fois dans Makbar. Arrivé, j'ai vu un jeune. Bon, sur la tombe, vous savez, les tombes, on écrit déjà les noms, tout ça. Il est venu, il s'est arrêté sur la tombe. Et tu sais ce qu'il a envoyé? Il a envoyé gâteau, des guets, ce genre de choses-là. Et puis il est venu s'arrêter au-dessus de la tombe et dit, quand tu étais en vie, c'est ce que tu aimais. Donc je suis venu te donner pour te faire plaisir. Et puis il a déposé. Je l'ai regardé jusqu'à il dit, attends, ça là, moi, c'est parce que je ne veux pas faire quelque chose de bizarre, sinon j'allais prendre des guets là. Il dit, mais c'est quoi ça? Dégueu, gâteau. Et puis, il vient de boyer sur une gomme comme ça. Hein? Nassalullah ala fiyar wa salam. Donc, hada la yajouz. Ma yajouz abadan. Ma yajouz. Ma yajouz hada. Normalement, la tombe du musulman tombe shar'an dans la sharia, on ne doit mettre aucun alarme sur cette tombe-là. Aucun. C'est ce que shar'an, shar'an. Ce que vous voyez, on met des signes. Telle personne décédée à tel. Shar'an, ce n'est pas permis. Parce que les tombes ne doivent pas être détectées par Dajjal. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, ensuite, qala rahimahullah, on va terminer avec ça. Il dit, wa ziyaratu lil mawta mashru'atun. Non, ici on est arrivé sur la masala de la visite. Visiter les tombes. Il dit, c'est légiféré de le faire. Le qawli Israël alayhi sallam, à cause de la parole du prophète alayhi sallam qui dit, nahaytukum an ziyarati al-qubur. Je vous ai interdit de visiter les tombes. Fazuruha. Maintenant, visitez-les. Aïe, anna ziyarata al-mayyit, rendre visite aux morts, kanat bidayatan muharrama. Au début, c'était interdit. Summa ba'da zalika nusqa 'ala al-hukm. Ensuite, ce jugement a été abrogé wa amara biha, et l'a ordonné. Wal amru yakunu huna 'ala al-jawaz. Ici, l'ordre qui a été donné, c'est pas l'ordre wujub, mais c'est l'ordre permis. Parce que la qaïda chez les gens de la chez les usuliyun, ils disent quoi? Li'annahu jaa ba'da tahrim. Kullu ma jaa ba'da tahrim yati ala wajhi al-jawaz, la ala wajhi wujub. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui tout ordre qui vient après une interdiction vient montrer l'autorisation, mais ne vient pas montrer une obligation. C'est compris? Wa qad istazana nabiyuna rabbul 'izza. Qad istazana nabiyuna rabbul 'izza. Notre prophète a demandé la permission au Seigneur de la puissance de rendre visite à la tombe de son oncle. Fa azina la, et Allah l'a autorisé. Fa yadullu zalika ala anna ziyarat al-qubur ja'iza. Cela montre que visiter les tombes est permis. Tayyib. Wa qad bayyana lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hikmat ziyarat al-qubur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié la sagesse de rendre visite aux tombes. Parce que déjà, vous soyez musulmans, et c'est venu dans l'authentique des musulmans. Zourou al-Qubur. Visitez les tombes. Pourquoi? Vous devez visiter. Tuzakiru al-Mawt. Fa innaha tuzakiru al-Mawt. Car visiter les tombes rappelle quoi? La mort. Cela parce que si l'être humain, il va là-bas et il voit les tombes, il se rappelle que les morts qui sont là-bas, ils étaient un jour, ils étaient vivants. Il vivait comme lui vit aujourd'hui. Tazakkara, alors il se rappelle anna ma'alahu wa ma'alahu, que sa destination c'est la destination actuelle. Wa sayakunu min ashabil kubur, et qu'il sera parmi les gens de la tombe. Fa imma yakuna fi hufratin min hufarin nar, soit il sera dans un trou parmi les trous de l'enfer, aw fi rawdatin min riyadil janna, ou bien il sera parmi dans un jardin parmi les jardins du paradis. Faya amalu lima huwa at. Il fait l'action de ce qui va venir demain. Non. زيارته أمي طيب سيسا مير أوكي أنا قلت عمي أيوة سيسا مير بارك الله فيك. Donc, il a demandé la permission à Allah de rendre visite à sa mère. Voyez, ce n'est pas son oncle. Jazakallahu khair. Mas'alatun. On s'arrête ici. Hein? Al-Waqt. Voyez, donc on va s'arrêter ici. Comme cette mas'ala est un peu longue. On va s'arrêter ici. Bismillah. Non, c'est jusqu'à 20h, c'est pas 21h. Daoud, on dirait que c'est gourmand. Hein. C'est gourmand, tu veux qu'on fasse beaucoup de dars. J'espère que tu vas mémoriser beaucoup. Hein. Jazakumullah khairan. Donc, la masala qu'on va voir après cela, j'avais voulu qu'on aborde cette masala, mais on va laisser. C'est. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux ou bien égales? Sont égaux dans le fait de rendre visite aux tombes, de rendre visite au cimetière. Est-ce qu'ils sont égaux? Ça va? Donc je vous donne l'avant-goût. C'est ça? Ils sont égaux. Ça y est? Mais on va voir certains masala qui en découlent. Sinon, ils sont pareils. Les femmes peuvent rendre visite au tombe, comme les hommes aussi peuvent rendre visite au tombe. Voyez. Mais il y a certains couyoutes hein, qu'il faut prendre en compte. Voyez. Parce que vous savez, généralement, les femmes sont beaucoup émotionnelles. Ça va? Elle place toujours leur émotion avant toute chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand elle va arriver à la tombe, peut-être qu'on va la ramasser pour l'envoyer à la maison. Parce qu'elle va arriver, elle va pleurer, elle va se jeter, elle va... Hein? Ça peut arriver. Parce qu'elle place toujours les sentiments en avant. Ça va? Non, les femmes sont beaucoup dans les sentiments. Alors pourquoi ceux qui ont des épouses là, si vous pensez que vos femmes et vous êtes pareilles là, c'est que Abna Tieni, elles agissent beaucoup avec émotion. Ça va? Et Kamaka là-bas de l'Ulama, comme certains savants disent, Yanné, les émotions de la femme précèdent sa raison, c'est-à-dire sa réflexion. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle agit généralement avant de réfléchir. Voilà pourquoi, si Allah mettait le divorce dans la main d'une femme, qu'elle peut divorcer son époux. Imagine combien de fois elle va divorcer dans la journée. Hein? Non. Ishri Namar. Hein? Elle va divorcer 20 fois son époux dans la même journée. Parce qu'un peu d'émotion seulement, je te divorce. Ou bien? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi. Voilà pourquoi dans la shahada, on a besoin de deux femmes pour prendre la place d'un homme. Vous savez pourquoi? Parce que la femme est beaucoup sentimentale. Si elle a des sentiments pour celui qu'elle doit attester pour lui là, elle va attester où? Mais si elles sont deux là, hein, et l'autre oublie, tout ça kiro ahadouma al-akhar, l'un ihdahuma al-akhra. L'autre va dire, hé, fais attention, ça là, c'est nous deux on a attesté ici. Donc, il ne faut pas dérailler. Ou bien, donc ça peut arriver. Donc voilà pourquoi. Dans la hikma de ne pas rendre visite. Ils sont égaux. Adala Shakafi. Mais si les femmes vont d'ailleurs rendre visite au tombe, surtout si c'est son époux, son ancien époux qui était là-bas, ou bien soit son petit frère, ou bien soit quelqu'un qui lui est cher, chaque fois qu'elle va aller, au lieu que le maqsoud soit atteint, que le maqsoud de se rappeler qu'un jour elle va mourir, elle-même, peut-être qu'elle va aller même sur... Abna, elle est là, bon, elle est là, quoi. À cause du fait même de pleurer. Donc, cela peut arriver. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.